Écriture. Écrire est l'art de devenir un autre tout en restant soi-même. L'art d'écrire m'est venu alors que j'étais tout petit et que je jouais à construire des mots avec les lettres de ma souple alphabet. Mais il s'est vite enraciné en moi lorsque je me suis mis à lire toutes sortes de livres et plus particulièrement des recueils de poésie. Lecture et écriture sont donc pour moi absolument indissociables, comme le jour de la nuit, la pluie du soleil et l'eau de la rivière. C'est pendant que je poursuivais mes études classiques que j'ai découvert le pouvoir des mots. Les poètes français que je lisais étaient devenus les pistes d'envol de mon imagination. Au cours de ma lecture de certains poèmes, j'étais tellement magnétisé par les mots et leur assemblage sonore et rythmique que j'en avais le souffle coupé. Pablo Neruda, à qui l'on demandait ce que c'était que d'écrire, avait répondu « Écrire est l'art de respirer ». Il m'a fallu un certain temps avant de comprendre la signification profonde de cette réponse. En observant cette définition de l'écriture dans mes lectures, je me suis vite rendu compte que certains écrivains ont le souffle court et mince, une respiration haletante, acide et percutante, qui se manifeste dans des phrases courtes, et que d'autres ont le souffle long et ample, une respiration relaxante, alcaline et vibrante qui se manifeste dans des phrases plus complexes. Chose curieuse, en tant que chanteur et pédagogue, j'ai constaté que la qualité, l'originalité, l'unicité et la vérité de toute voix avaient comme fondement le contrôle de la respiration. Dès lors, je ne pouvais plus séparer l'exploration du langage de celle de ma voix. C'est pourquoi mon écriture a toujours été caractérisée par une recherche de la musicalité qui me poussait à sélectionner tantôt des mots dont les syllabes sonnaient sur un rythme percutant, peteque, bedegue, et tantôt des mots dont les résonances plus floues créaient une ambiance vibratoire. Dès l'apparition de mes premiers recueils de poèmes, on m'invitait à en faire la lecture dans les écoles primaires et secondaires, les cégeps et les universités. Aujourd'hui encore, après mon récital de poésie, on me demande deux questions fondamentales. Comment et pourquoi écrivez-vous? Je réponds à ces deux questions de manière assez élaborée dans mon livre « Entre la lettre et l'esprit ». Après avoir enseigné des techniques d'écriture à l'Université du Québec à Montréal, j'ai développé une méthodologie de l'écriture que j'applique autant dans les lieux d'enseignement qu'avec des auteurs de chansons qu'on appelle aussi des paroliers. Fondée sur la linguistique, la phonétique et la phonologie, cette méthode permet de cibler les mots qui correspondent le mieux aux idées ou émotions que l'on veut exprimer. D'autre part, lorsque j'enseigne des techniques d'écriture, j'insiste beaucoup sur l'importance à accorder à une thématique cohérente, en privilégiant des thèmes universels, ceux auxquels tout humain peut vibrer quotidiennement, j'ouvre aux stagiaires le champ des possibles. Par exemple, j'ai écrit plusieurs textes et chansons en ayant comme support sémantique les éléments, la lumière, l'eau, l'air, la terre, le feu, les saisons, les règnes, minéral, végétal, animal, humain, divin, et les cinq sens. Le tout s'actualisant dans nos rapports avec la nature et la culture. On écrira longtemps avant de vider ce trésor universel du langage que peuvent partager et interpréter tous les humains qui veulent s'exprimer par l'écriture. Tout écrivain est un interprète de la réalité et de ses rêves. En écriture, interpréter ses rêves et ou ses réalités, c'est se situer entre une idée, une émotion et un public lecteur ou auditeur. Qu'on décrive un poème, un roman ou une chanson, il faut faire en sorte que l'énergie qui les soutient, les propulse ou les retient arrive à faire vibrer toute personne qui entre en contact avec les mots que l'on a choisis et la manière qu'on a trouvé de les écrire, de les dire ou de les chanter. Dans tout type de texte, l'objectif est de toucher le cœur et ou l'esprit.